So I just want to say you're listening to Amandla. This is CKUT 90.3. You can find us at ckut.ca/Amandla, which is our blog where we usually post excerpts from the show and like the best moments of the show, and where you can find a podcast link and more information. Alors, nous commençons cette partie francophone de l'émission et je suis en studio avec Jean-Marc Sobot. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Roberto. Alors, aujourd'hui, on parle de la visite du nouveau président du Kenya, qui est un vieux de... Est-ce que c'est de l'aristocratie kenyane? c'est extraordinaire. Ouais. Mais c'est le fils de, comme le père de la nation kenyane, qui est Jomo Kenyatta. Oui. Donc, c'est pas tellement aristocratie, c'est beaucoup bon, plus. Il vient d'une famille qui est bien placée politiquement dans le pays. Qui est connue politiquement, oui. Qui est connue pour être comme une famille de nationalistes. Mm-hmm. D'ailleurs, comme son nom l'indique, Uhuru. Et Kenyatta, Uhuru, c'est tout un cri de guerre. Donc Uhuru Kenyatta, le nouveau chef d'État kenyan, qui a effectué dans son tout premier voyage, important à l'extérieur après sa prestation de serment. Il est allé en Russie le 15, et puis depuis dimanche il est en Chine à Pékin, et il va y rester jusqu'au 23, c'est-à-dire après-demain. Il va rester jusqu'au 23 en Chine, et c'est ce qui est important là-dedans, c'est que en fait quand il va en Chine, c'est un peu comme un défi à l'égard des États-Unis, parce que le président Barack Obama, dont le père est kenyan, le père qui s'appelait également Barack Hussein Obama comme lui, dont le père est kenyan, qui a aussi fait Harvard comme son fils. Alors, donc, il est de ce pays, Barack Obama, le président. Il est du Kenya, comme on le sait. Mais après la dernière élection présidentielle, il y a eu des contestations. Et on a bien vu qu'en fait, Barack Obama soutenait le candidat perdant. On a posé les problèmes de régularité des élections, des contestations et tout. Et puis ça, c'était des débats soutenus par les Américains. Mais que va-t-il chercher en Chine alors qu'il n'y a pas? Alors, il va comme... il faut dire que la Chine, c'est le premier investisseur direct du Kenya en ce moment. C'est-à-dire que la Chine a beaucoup investi ces temps-ci au Kenya. La Chine a mis quelque chose comme 474 millions. Millions, ça c'est tous les échanges entre la Chine et le Kenya. Ça, c'est les chiffres de juin, 474 millions. La Chine a signé un accord pour 5 milliards de dollars, parce qu'on parle de dollars, pour des questions de sécurité. Et la Chine est en train comme d'investir massivement au port de Mombasa. Et parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le Kenya veut faire de... le Kenya, avec la Chine, ils veulent faire de Mombasa... Ah ouais, ils veulent faire de Mombasa comme de l'entrée de l'Afrique. C'est-à-dire que on tourne le dos à l'Occident, à tout le monde, et puis tout le monde va maintenant vers la Chine. Ça va pas seulement être les États-Unis, ça va aussi être finalement le Kenya. Et le Kenya espère être la plaque tournante de tout le commerce que les pays d'Asie, ouais, vont faire maintenant en Afrique. Et donc on voit que voilà, l'Inde c'est le premier partenaire commercial du Kenya, suivi de l'Union européenne et suivi de la Chine. Et la Chine joue un rôle extrêmement important dans tous ces pays, parce que c'est la Chine qui a fait en sorte que le Kenya, le Ghana, je m'en excuse, le Ghana, l'Éthiopie, le Zimbabwe, que tous ces pays connaissent cette croissance exponentielle. Donc c'est un peu ça, c'est que voilà ce qu'on va, on va assister à, on va assister maintenant à un Kenya qui est avec la Chine. Et j'ai oublié de mentionner, c'est très important de le dire, de mentionner le fait que la Cour pénale internationale poursuit le président actuel avec son vice-président William Ruto, avec lequel il a d'ailleurs fait le voyage, poursuit. Et puis les États-Unis trouvent que voilà, la Chine ne devrait pas recevoir Uhuru Kenyatta. Et voilà, donc il y a ça, il y a que c'est quand même un pays, les États-Unis, c'est un pays qui n'a jamais ratifier le protocole de Rome, c'est-à-dire que les États-Unis défendent une Cour pénale internationale où les États-Unis ne sont pas justiciables. Ouais. Donc c'est ça un peu les enjeux. Et le reste, c'est la grande histoire d'amour entre la Chine, le Kenya et toute l'Afrique.